Parce que la vie est une sélection. Tout comme ce move, mec, tu fais les sons. Je veux ce monde qui veut te faire les fions. Évolution qui rend ton grand-papa outré. Par où je traîne, même les meufs elles t'en papa outé. Un rouge très vif qui colore et qui me bouffe la vie. M'oblige à fumer le shit plus fort que derrière bouffe la vie. N'oublie, tu viens me gratter, alors ça part en litige. Je me laisse pas faire car à 10 piges, je prends l'état paralytique. Là où je vis t'es rien, si t'as pas le permis B, je suis plus dans le bise et je pose mes couilles. J'ai pas fumé ma paternité, j'ai connu la folie, le gâchis. J'ai passé le cap et cassé le cas, je ne voudrais pas faire partie de leur oligarchie. Je viens de la pampa, BZH, non pas d'anomalie. Avant j'habitais le pays basque qui se résume pas qu'à l'ovalis. Allo chali, ma feuille, c'est pour mes sales chiens, mais ça coince. Des lourds messages et 16 à point. On vous met ça bien, mais ça coince. C'est extravagant, pour que t'écoutes, faut faire des clips extravagants. Tu fais le king par toi, si je la vois ta place, reste extravagante. La varicelle, démangeante, pire que la varicelle. Ça varie certes, mais tout le monde veut l'oseille et faire le gars paris sec, y'a pas de risette. Donc pour zapper, ça tease la sobiesse qui taurine. On rêve d'embrocher la volaille, qu'on gralliance aussi à qui taurine. On touche du poids pour ver ce qu'il a tôle. Demande à Mosmos en osmose. Avec la terre, on a la tête dans le cosmos. Tu causes trop, c'est passionnant. Tu trouves notre assonnat. Tu t'embêtes plus à casser le sucre dans le dos. Tu verses la cassonade, dégage connard. On a des thèmes et des chants sémantiques. Je suis vulgaire, mais demande à Rousse. Dire que je suis méchant, c'est mentir. J'ai la patate, prépare la tartiflette. Je m'en tape la star qui plaît. Je rappe dans des petites salles en partie pleine. Ma frère, je pense pas qu'à moi. J'hérite de ce côté normal. Pourtant, enfant, je te fuse en fleur. Bien pire que ce côté normal. Ignore-moi si tu veux. Parce que je suis pas polythéiste, je crois plus en Dieu depuis que j'ai soufflé dans le ballon de trois policiers ivres. L'alcool fait sauter nos masques, mes pototistes du caisson. Si j'avais pas le son, je serais dans l'autovivisection. Attiré par le mal, le piflet, tu tires flette, tu kiffes le sexe, crate ta femme réclame des biflettes. Tant pis, je laisse. Je reste élégant, pragmatique, je crois pas ce que l'écran plasmatise. C'est impensable que je prête ma zig, le grand kiff, c'est un beau plateau de la fume, la chauffe au pitch, t'emmerdes. Je crains pas la peau, pas ton diaphu, la tophobie. Non, mec.